Depuis le baiser pris dans le couloir, les heures s'enfuyaient pour Eugénie avec une effrayante rapidité. Parfois, elle voulait suivre son cousin, celui qui a connu la plus attachante des passions, celle dont la durée est chaque jour abrégée par l'âge, par le temps, par une maladie mortelle, par quelques-unes des fatalités humaines. Celui-là comprendra les tourments d'Eugénie. Elle pleurait souvent en se promenant dans ce jardin, maintenant trop étroit pour elle, ainsi que la cour, la maison, la ville. Elle s'élançait par avance sur la vaste étendue des mers. Enfin, la veille du départ arriva. Le matin, à l'absence de Grandet de Nanon, le précieux coffret où se trouvaient les deux portraits fut solennellement installé dans le seul tiroir du bahut qui fermait à clé, et où était la bourse, maintenant vide. Le dépôt de ce trésor n'alla pas sans bon nombre de baisers et de larmes. Quand Eugénie mit la clé dans son sein, elle n'eut pas le courage de défendre à Charles d'y baiser la place. Elle ne sortira pas de là, mon ami. Eh bien, mon cœur y sera toujours aussi. Ah, Charles, ce n'est pas bien, dit-elle, d'un accent un peu grondeur. Ne sommes-nous pas mariés, répondit-il. J'ai ta parole, prends la mienne. À toi pour jamais, fut dit deux fois de part et d'autre. Le lendemain matin, le déjeuner fut triste. Mon neveu, dit Grandet, partez pauvre, revenez riche. Vous trouverez l'honneur de votre père, sauf.